Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 4, colonne 1. Politique sans importance. Pour le courrier de Worcester. Depuis le règlement des questions qui ont provoqué la guerre civile, et dont la date remonte, pour ainsi dire, à l'époque du rappel des troupes des États du Sud et à la reprise des paiements en numéraire, la nation américaine a passé par une ère politique de seconde classe. La science de l'homme d'État n'a été atteinte nulle part, pas même à Washington. Les élections ont tourné sur la popularité ou l'impopularité de certains chefs politiques, sur la division du patronage, ou ont été déterminées par la fraude et la corruption. La dernière élection présidentielle a manqué d'être perdue par les républicains à la fin de la campagne par la publication de la lettre contrefaite de Maury. La contestation est même encore très vive, à savoir si Hancock a été battu par la trahison de Tilden, le trafic de Kelly, la corruption de Dorsey ou par l'acquisition du support de Garfield par les chefs stalwarts et les monopoleurs intéressés de New York. À moins de 2 mois après l'installation du nouveau président, dont la nomination, comme cela s'est vu de suite, n'avait d'autre but qu'une nouvelle dispensation des fonctions publiques, le parti victorieux s'est séparé en deux par suite de malentendus sur la question du patronage. Modérés par l'interruption tragique de la contestation, les républicains ont remporté les élections de 1881 à force d'habileté, assistés naturellement par la sensation créée par la mort du président Garfield. Mais, en 1882, le résultat naturel d'une politique aride s'est de nouveau fait voir. L'État de New York a donné son appui aux démocrates par une majorité de 200 000 voix, non pas pour récompenser ce parti d'avoir fait quelque chose de bien, ou parce que le peuple avait acquis une nouvelle confiance en ses chefs, mais simplement parce que la meilleure partie des votants républicains n'approuvait pas les moyens détournés et artificieux avec lesquels la machine cherchait à reprendre le contrôle de l'organisation. En Pennsylvanie, la même leçon a été donnée aux chefs de parti. Dans les États de l'Ouest, la prohibition, la question des fleuves et rivières, l'augmentation continuelle des taxes et les grippes dépouilles, tout cela a été jeté sur le dos des républicains. Au Massachusetts, il a été manifesté le désir de sortir de la stagnation politique plutôt que la nécessité d'un changement. Pour autant que les élections sont arrivées à n'avoir aucune signification particulière, les votants indifférents ou insouciants ont pensé que l'occasion était excellente d'essayer une bonne fois et de voir ce que Butler était capable de faire. Mais tout cela, c'est de la petite politique. Les votants d'un grand État comme celui de New York ne doivent pas consentir de jouer le rôle d'arbitre dans un combat entre les républicains half-breed ou stalwart, ou à se constituer encore pour ratifier les marchés de Tilden et de Tammany. La Pennsylvanie tient trop de la communauté pour que ses électeurs tendent à reconnaître les prétentions de Don Cameron comme un chef. Le Massachusetts est trop intelligent et trop zélé républicain pour se laisser absorber par un spectacle de bouffonnerie ou par les fautes d'un professeur de politique de seconde classe. Maintenant, quelles sont les causes de cet état de choses et quels sont les remèdes à appliquer? Peut-on attribuer la situation à autre chose? Sinon à la faute commise par les électeurs en se divisant sur les questions importantes de la législation et de l'administration? Si le Parti républicain était uni sur les questions vitales du jour comme il l'était en 1856, 1860, 1864 et 1868, y aurait-il moyen de le détourner de son but par des rivalités de chefs ou devrait-il s'appuyer sur les Hobbles ou Dorseys pour réussir? Si le Parti démocratique avait les convictions et le courage des principes qui l'ont caractérisé au temps de Jackson, consentirait-il à se constituer la queue du cerf-volant Butler ou comme emplâtre émolliant sur la tête malade de Tilden? Si le républicanisme signifiait, comme dans le temps, la même chose depuis le Maine à Californie, son succès ne ferait pas l'ombre d'un doute et les élections seraient emportées avec le même entrain et la même facilité que par le passé. La politique de personne, celle de faction ou celle de chasse à cour les emplois publics, a toujours été de la petite politique. Elle éloigne les meilleurs citoyens et encourage la vénalité des hommes vulgaires. Le remède contre la petite politique est la grande politique. Quand les mesures relèguent les hommes à l'arrière-plan et que les principes l'emportent, quand les votants sont divisés en partis suivant leurs opinions et intérêts, quand la conduite du gouvernement est conforme aux vœux de la majorité et ne s'égare pas dans la voie banale de contenter les chercheurs de place, alors, mais seulement alors, notre politique donnera du crédit à nos institutions en leur procurant la facilité de subir d'utiles améliorations. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.